Internet, leblitznfl.com. Salut, salut Tony. Salut Danny. Tony, évidemment, j'ai complètement oublié de parler avec Hugues lorsque j'ai fait l'entrevue, le podcast mardi où on fait le. Ben, c'est sûr que quand tu parles de deux circuits à un moment donné, t'en perds un petit peu des bouts, là. Mais il y a eu des nouvelles importantes au cours des derniers jours. D'abord, à Jacksonville et à Détroit, Matt Patricia qui a été congédié. Est-ce qu'on qualifie ça d'une déception dans le cas de Matt Patricia? Oui. Oui, hein? Oui, grande déception parce que c'est une des raisons aussi pourquoi le DG aussi, comment il s'appelle, Bob Quinn, il a OK. été aussi congédié parce que Bob Quinn venait de l'organisation des Patriots, hein, en passant. Ouais. Puis quand Bob Quinn est arrivé à Détroit, il y avait Jim Caldwell qui faisait quand même du bon travail, il était très aimé par les joueurs. Le résultat, par contre, n'était pas si bon que ça. Puis là, Bob Quinn a comme en profité, vu que c'était pas une participation aux séries, ben écoute, on le met dehors puis on va chercher Matt Patricia. Et Matt Patricia, ça a pas été fort. Puis quand ils ont annoncé le congédiement à Patricia, il y a bien des joueurs ou bien du monde Ben, qui je ont pense un que c'est peu. une affaire archaïque un peu, hein, que c'est Ouais. méthode archaïque un peu, hein. Exact. Ben exactement. C'est aujourd'hui, là, il faut prendre, puis on parle de la même chose aussi avec, comment il s'appelle, Mike McCarthy à Dallas. T'sais, on a besoin d'un players coach comme Jason Garrett ou même Jim Caldwell, mais ça prend un coach qui est capable d'implanter un système et de le faire croire par ses joueurs pour aller chercher la victoire. Un peu comme Sean McVay, c'est un peu ça. Ouais. T'sais, c'est le genre de coach qu'on veut, ou même un Mike Tomlin, c'est peut-être un vieux de la vieille qui Ben, c'est parce que réussit. y en a qui peuvent le faire parce qu'ils sont respectés. Bill Belichick, je sais pas si c'est un player coach tant que ça. Mais par contre, quand tu regardes sa fiche, t'as pas le choix, les joueurs écrasent. Mais c'est pas nécessairement Ben, le. Hein? oui, ben tu as raison, mais c'est parce que c'est à un moment donné, le joueur en tant qu'humain, puis moi aussi j'ai fait du coaching dans le passé, les joueurs ils veulent gagner. Fait qu'ils veulent jouer pour une équipe gagnante. Bill Belichick, c'est une équipe gagnante. Fait que qui coach mal, qui t'engueule ou tout ça, t'as pas le choix de suivre son système, puis tu vas gagner, puis tu vas réussir. Tandis qu'un players coach qui ne gagne pas, c'est là que, mais tu sais, l'humain recherche un players coach, mais veut pas au bout de la ligne, il veut gagner aussi, là. Fait que c'est pour ça que Bill Belichick ou tu sais, Mike McCarthy, c'est un peu ça, là. Tu sais, quand il gagnait pas, il se faisait, tu sais, à Green Bay, il se faisait un peu reprocher de ses façons de faire. Mais il a pas gagné souvent comme Belichick. Fait que Belichick, c'est un des. Ben, je dirais pas, c'est pas un. Il est pas près de ses joueurs, Belichick, mais. Quand il est proche d'un joueur, tout ça, il est quand même une bonne personne. Ouais, c'est sûr. Ouais. Fait que tout ça qui fait que Matt Patricia, je pense que la façon, il voulait tellement démontrer que tassez-vous, je connais tout, puis j'arrive, ça marche pas, ça marche pas. Et c'est un autre des étudiants de Bill Belichick qui échoue après les Romeo Crennel, après les Charlie Weiss, après les Sean McDaniels, après la liste commence à être longue. Bill O'Brien. Heureusement que Flores à Miami qui Puis commente, là, puis Mike Vrabel. Mike Ouais, Vrabel, ce sont les deux là, qui sont c'est ça. vraiment là. Il y en a pas beaucoup parce que c'est Non. ça, Bizarre pareil, hein? C'est très bizarre. Tu côtoies le meilleur entraîneur de l'histoire du sport. Pour moi, c'est l'entraîneur du sport, tout sport confondu, là. Ouais. Puis finalement, il Ben, n'y en a tu pas plus que ça qui est. C'est tout le fait de. C'est pas l'individu coach, il faut qu'il s'entoure. C'est vraiment le succès d'une équipe de football dans la NFL, puis je dirais dans tous les autres sports, c'est comment tu t'entoures d'entraîneurs pour faire réussir C'est ça. clair. Et Belichick, c'est ça qui a réussi. Il veut pas, il les a développés, ces gens-là, mais individuellement, quand tu sors de ce système-là, il faut que tu sois capable de t'entourer et d'apporter. Mike Vrabel, c'est un peu ça, là. T'sais, oui, individuellement, il réussit, mais il est quand même bien entouré chez les Titans là, pour Ouais. amener son équipe à un autre niveau, là. OK. Maintenant, écoute, avant de finir pour les Lions, c'est incroyable, hein? C'est incroyable, les Lions de Détroit. Hey, je les suis depuis Barry. Ben, je les suis. Je suis pas un grand partisan, mais moi, quand j'ai commencé à écouter ben, la NFL à un moment donné, j'avais les postes de Détroit. Fait que j'avais juste les matchs des Lions. Et Écoute, Barry, moi, quand j'ai commencé à regarder les Lions, c'était Barry Sanders, c'était Herman Moore, c'était Eric Kramer au poste de corps avec Scott Mitchell. Ouais. Et rarement les Lions ont été en série. Je pense qu'on a été une fois en finale de conférence. Le départ de Barry Sanders, on dirait, a coupé les jambes de toute cette organisation-là parce que c'est vraiment, oui, c'est une organisation qui en arrache. Malheureusement, il y avait des belles vitrines dernièrement avec peut-être un Matthew Stafford, mais là, ça va être toute une réorganisation. Puis si on regarde ça sur notre site, notre ami le Maraudeur, à chaque année, il sort ses candidats, mais cette année, les candidats pour remplacer des entraîneurs-chefs, il n'y en a pas tant que ça, là. On pense à Bien-Aimé, là, le coordonnateur offensif au Kansas City, là, avec Andy Reid. Mais à part de ça, on parle encore des anciens entraîneurs. Est-ce qu'un Jim Harbaugh va partir de Michigan? Il retourne dans la NFL. Il y a quelques entraîneurs, il y a une rumeur où comment il s'appelle celui d'Ohio State qui irait peut-être à Dallas, mais ils l'ont pas mis dehors, McCarthy, là, encore à Dallas. Là, comment il s'appelle le coach d'Ohio State là, qui est à télé là, en ce moment, là, qui Urban a pris Meyer. sa retraite? Ouais, Urban Meyer, ouais, Ouais. c'est ça. Donc, Lui, il va plus à Michigan, c'est drôle, hein? ouais, mais il a de l'air. Moi, en tout cas, je l'adore à la télé, là, Urban Meyer. Je sais pas Ouais. qu'est-ce que Mais s'il c'est le avait goût. retourné soit à la NFL, dans NCAA, Ouais. je le verrais plus à Michigan. Ouais. Mais Mais je hein? suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il va. Ouais, mais t'as raison, mais on dirait qu'il a pris. Je pense qu'il veut comme prendre un break. Puis est-ce qu'il vise la NFL? Bonne question. Est-ce que Jerry Jones l'a pogné dans sa sabbatique là, pour Dallas ou peut-être qu'il se prépare pour Dallas dans le Ah, c'est une bonne futur, mais. question. Urban Meyer va devenir mon candidat. Bon, l'autre nouvelle, c'est mon ami Alexandre Gauthier, qui était le chroniqueur de la NFL avant toi, Tony. Oui. Lui, c'est un grand partisan des Jaguars de Oui. Jacksonville. Écoute, là, il était tout excité sur les médias sociaux pour montrer que Dave Caldwell avait été congédié. Il dit, ne t'en fais pas, Serge Savard a été remplacé par Réjean Houle. Fait que ça veut rien dire. Voilà, écoute, ça veut rien dire encore une fois, là. Non, C'est ben qui c'est t'a ça fait une là. surprise? C'est le 3 ans qu'ils ont affronté les Pats en finale de conférence. Ouais, ben c'est depuis ce temps-là que ça a été Ouais, la c'est. catastrophe, la Ouais. débâcle là, chez les Jaguars. Dave Caldwell, 8 ans. Tu sais, les propriétaires sont patients. Hein? Fait que tu vois, Ouais. il y a ça. Donc, 8 ans, une fiche de 39 et 87, là, 87 défaites, là, c'est beaucoup. Le propriétaire n'a pas décidé de congédier Doug Marrone. Donc, est-ce qu'il attend le prochain DG pour faire tout ce ménage-là? C'est quand même, comme tu dis, puis ça, malheureusement, je suis plus ou moins ça. Il y a sûrement des bons candidats qui peuvent sortir de là, mais c'est toute une question de, comme j'ai dit tantôt, là, quand ça part d'en haut, un bon DG avec un bon coach Ça qui va commence dans toutes les s'entourer. grandes organisations. Ouais. Regarde les Pats. Je reviens souvent avec mes Pats, mais Ouais. Robert Kraft, t'es chez Bill Belichick, t'es allé chercher après ça Tom Brady et ainsi de suite. Ouais. Et Puis ça ils ont commence développé. dans les Chiefs. C'est ça. Puis ils ont développé des bons futurs DG. Belichick, là, il y avait comment il s'appelle Dimitroff qui vient de se faire congédier à Atlanta, là, mais pendant des années, il a quand même bien fait à Atlanta. Scott Pioli, il est avec les Patriots, qui est allé DG pour les Chiefs. Il a quand même préparé un peu le. Ça m'a fait avec les Raptors, je change de Ouais. sport un peu, Masai Ujiri, Ouais. qui est l'homme le plus respecté du basketball actuellement, Nick Nurse, entraîneur de l'année, système de jeu, tout commence par là. Oui, puis moi, je me pose la question. Je pense qu'il voulait pas le faire, mais Doug Marrone aussi doit prendre un peu. Il se développe, mais est-ce que c'est un message pour dire qu'il n'a pas bien choisi les joueurs pour Doug Marrone? Mais tu sais, le prochain DG qui va arriver, c'est sûr qu'il va demander, à moins qu'il y ait un certain respect pour Marrone, mais regarde, je pense que c'est encore en fin de semaine, c'est Mike Glennon qui va commencer au lieu de Minshew. Là, Ouais, Minshew, mais il est ça, comme. j'ai dit à mon chum partisan, Ouais. j'ai dit, regarde, je suis bien content. Sois content, faut tout faire pour être dans la cave. Dans une situation comme ça, là, fais tout pour Ouais. être dans la cave. T'as un Ouais, corps ouais. de. Regarde de génération aussi en Trevor Lawrence. Faut que tu te manges finir dans la cave. Oui, puis je pense que j'en parlais avec du monde, je pense que c'était pas avec toi, mais ça va être important. On a vu la blessure à Joe Burrow. Je sais que Moi, j'étais avec c'est, moi. J'étais avec moi. tu sais, il faut faire attention. Est-ce que Trevor Lawrence, ouais, tu me l'as demandé, tu sais, Trevor Lawrence, vas-tu refuser d'aller chez les Jets? Tu sais, je pense que les joueurs vont commencer. C'est bien beau d'avoir être le premier choix, avoir l'argent qui va venir avec, Mais mais tu il sais, joue à New York, hein. New York, c'est un temps pour une vedette. Parce que Ouais. regarde les sports actuellement à New York, il deviendrait probablement la plus grande vedette automatiquement. Ouais, mais je reviens à qu'est-ce que j'ai dit, Danny. Les jeunes aujourd'hui, puis surtout cette gang-là, ils veulent gagner, là. Ouais. Puis en ce moment, chez les Jets, à moins qu'avant le repêchage, j'espère qu'ils vont tasser Adam Gase, là. Fait Moi, ouais, que, tu sais, il y a tout ça, là. Tu sais, je veux dire, moi, tu sais, je veux dire, même dans le, moi pis toi, dans le monde professionnel, quand on veut une job, oui, c'est vrai, on en veut une job, mais on veut travailler pour une bonne organisation qui vont te traiter comme il faut, puis, tu sais, en plus du salaire, mais faut, tu regardes aussi l'organisation, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça va être très intéressant. Je sais que c'est tentant jouer à New York, là, mais tabarnouche, ça va pas bien, là, dans le marché de New York, puis Alors, les ça. Jets, les Giants, les Knicks au basket, Ouais. les Les Rockets, Mets, les Mets ont des nouveaux propriétaires. Par ouais, contre, c'est ça. les Yankees, surtout que nous en disons quand même assez faibles. Et il y a les Rangers qui sont quand même pas pires, qui ont un Ouais. bon jeu. On va y aller avec les matchs de la semaine maintenant. Écoute, j'en retiens que ça vient maintenant parce qu'avec tous les matchs qui ont été. Qui ont Ouais. été. Hey, avant, je vais te parler des Steelers. Est-ce que c'est un. J'écoutais ça justement sur un podcast. Les Steelers qui ont une fiche parfaite, est-ce que c'est une vraie équipe, est-ce que c'est une vraie fiche parfaite? Je regarde les Pats, parce qu'on sait que. C'est la question de tout le monde, justement. J'écoutais de quoi en anglais tantôt, Ouais, puis puis. il y a bien des gens qui sont pas convaincus. Non, hein? Ils C'est gagnent ça. souvent la main. Tu sais, les Pats, je me rappelle l'année du 2007, les Pats étaient vraiment dominants. Ouais. Les Colts, il y a quelques années, c'était qui était? C'était Tony Dungy qui était l'entraîneur, à un moment donné, ils ont Ouais. quasiment perdu. Ouais. C'était Peyton Manning qui était au corps. Ça, on monte de quoi 2010-2011. Les Dolphins, je les ai pas connus. Est-ce que les Steelers sont une vraie équipe avec une fiche parfaite? Moi, je dis que non, parce que il y avait deux, trois matchs, même cette semaine, là, Ouais, ça avait pas été, la ça COVID, avait les pas été de la joueurs. COVID, ça avait été un match serré, puis on attendait à ce match-là. La semaine d'avant, pendant la saison, il y avait une couple de fois qu'on pensait que les Steelers devaient être battus, puis c'est l'autre équipe qui s'est pas présentée. Fait que c'est, puis j'aime bien gros Big Ben, mais en fin d'année, il est fatigué. Il est magané un peu, il a des bobos. Lâche comment ça va. Lâche que. Puis Ouais, de toute façon, là, je t'as un joueur commence. robuste. Mais Puis. Ouais. c'est quand même. Ça joue bien. Ils sont capables de ressortir la victoire. Non, je n'y vois même pas. T'sais, moi, je reviens encore. Les Chiefs ou même les Titans pourraient ressortir de l'AFC avant les Steelers. OK. Malheureusement, non, je Non, pense pas. OK. Moi, écoute. Bon, on va y aller avec les matchs de la semaine. Écoute, t'as le gros match 13h, je pense. 8, deux équipes de 8-3. Oui. Surprenant que c'est pas encore. Parce que là, on est rendu quoi? On peut changer maintenant les matchs du dimanche soir. Surprenant que c'est pas le match du dimanche soir, celui-là. Ouais, mais Ouais. c'est que chaque réseau a un choix à faire, puis là, veut pas, pour les gens qui le savent pas, il y a un match mardi soir prochain Ouais. entre les Ravens puis les Baltimore, les Ravens puis les Cowboys. Fox a décidé de le prendre, ce match-là. Puis tu vois, NBC, à cause de cette semaine, tu sais, c'est pas évident à cause de la pandémie puis tous ces Ouais. changements-là. Mais le match est quand même, les Browns contre les Titans, c'est le match à surveiller, Danny. Okay. Je veux dire, Est-ce que Baker Mayfield est. Ça reste un point d'interrogation. On parlait des Steelers, mais. ouais. Ben c'est, elle a la question. Qu'est-ce qui va arriver dans ce match-là, veut pas? Qu'est-ce qui est surprenant? Les Browns sont quand même 3-0 face à la division sud de l'AFC, mais je suis pas sûr que la défensive des Browns va être capable, même si Myles Garrett va revenir, je suis pas sûr qu'ils vont être capables d'arrêter Derrick Henry. On pensait que les Colts l'auraient arrêté, puis ils l'ont pas fait. Ça va être vraiment un match défensif, mais j'ai plus confiance en Ryan Tannehill que Baker Mayfield. Ça, c'est le genre de match que Mayfield va se faire intercepter, puis il va connaître un mauvais match, où ce que à la fin du match, il va dire, écoute, c'est de ma faute, mais c'est ces matchs-là, Baker, faut que tu te sortes, parce que c'est là qu'on tu connais quand même une bonne saison, mais Baker Mayfield, faut que tu nous démontres, comme un peu un Lamar Jackson qui fait pas avec les Ravens, faut que tu sois capable de remonter et de capable de dominer ou finir un gros match. Fait que, c'est ça que Baker, elle va être là la différence. Puis je trouve que c'est l'équipe qui est les Titans en ce moment. C'est une des équipes les mieux équilibrées. On en a parlé tantôt, qui est bien coachée avec Vrabel. Donc ça va être défensif, beaucoup par la course, parce que les Browns ont quand même un comité de porteurs qui domine, qui sont premiers dans la NFL. Mais Derrick Henry, je pense qu'il va démolir la défensive, malheureusement. OK. L'autre match, écoute, c'est à 16h05. Les Rams qui sont à fond les Cards. Les Cards avaient bien commencé, mais je pense que la semaine passée, leur défaite à Foxborough, ça a été difficile. Donc, pour les Cards, ils doivent remonter, ils doivent freiner cette série de défaites-là. Tu as tout à fait raison. Puis Kyler Murray, depuis son fameux Hail Mary, là, ben on l'a pas vu. Il y a vraiment de la difficulté. Puis et c'est là que ces genres de corps arrière là que les défensifs sont capables de s'adapter au fur et à mesure qu'on avance dans la saison. Donc Kyler Murray, les Cards ont besoin d'un jeu au sol qui est plus ou moins fort. Malheureusement, ils ont un Kenyon Drake, mais on le voit pas. Murray a besoin de support par la course. Et surprenant, les Rams, c'est une équipe effacée qu'on parle pas beaucoup, puis ils sont quand même dans la course, c'est 7 et 4. En plus, c'est à Los Angeles, c'est la grosse équipe de Los Angeles. Oui, puis c'est la deuxième meilleure équipe défensive, donc avec Aaron Donald qui va être le Puis Goff, ouais, c'est ça. Goff, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est là qu'on a vu, c'est que ça, si t'es pas capable de, ben c'est comme pour tous les corps, là, si t'es pas capable de mettre la pression sur Goff va connaître un match incroyable. Puis malheureusement, les Cardinals seront pas capables, c'est pas une équipe qui met de la pression dans les corps adverses. Donc les Rams, surprenant, moi je pense que on risque d'avoir deux ou trois équipes de la NFC West qui vont faire les séries, donc les Rams, heureusement pour les Rams, ils vont avoir le dessus. Puis les Cards risquent d'avoir leur troisième défaite de suite. Oui, effectivement. Donc, on se reparle, Tony, vendredi prochain. Oui, puis n'oubliez pas, deux matchs lundi, puis un match mardi. Ouais, Washington Football Club contre les Steelers. À 5 heures. J'ai pas regardé les Steelers. Est-ce que c'est prenable, une fiche parfaite? Je peux vous le dire tout de suite. Là, une seconde. Donc, lundi devrait gagner. C'est ça, oui, contre Washington. Puis il reste. Je pense que j'ai remarqué où ce qu'il pouvait peut-être. Ben, il rejoue Buffalo le 13 décembre. La semaine d'après, c'est là que peut-être. L'aspect full ne joue pas là, cette année. Mais ils sont à Buffalo. Puis le 27 décembre sont contre Indianapolis à Pittsburgh. Indianapolis aussi peut créer des surprises. Puis pour le bien des Steelers, ça serait peut-être bien d'en perdre une aussi, parce qu'il y a toujours la loi de la moyenne, même si on dit que c'est pas une équipe. J'ai l'impression qu'ils veulent, ils veulent au moins finir premier pour avoir une semaine de congé, parce que là, c'est seulement la première équipe de l'AFC qui a un congé pendant les séries. Ouais. Fait que, t'as raison. À un moment donné, les Patriots l'ont vu aussi. Les Patriots. Je me rappelle plus l'année des Colts. L'année que je parle, il avait pas gagné le Super Bowl non plus, je pense. Tu te rappelles-tu de la situation? C'était en 2010-2011. C'est arrivé quand Caldwell. C'est Jim Caldwell qui était l'entraîneur, je pense. Caldwell ou Tony Dungy? Ça, c'était Caldwell. Mais il avait pas perdu le match. On se posait la question. Il avait fait comme reposer le vétéran. Ouais. Ouais, ben c'est ça, ils ont perdu leur dernier match de la saison, je pense, c'est ça? Ouais, c'est Non? ça. Puis ça avait été Ouais, très, très, très contesté, cette c'est ça. décision-là. Mais j'ai ri, je sais pas qui m'a dit, là, tu sais, les Dolphins, à chaque fois qu'une équipe va perdre, puis ils n'auront pas de saison parfaite, ils boivent du champagne, mais là, en ce moment, c'est dans un centre d'accueil, je pense, puis ils sont tous en marchette. Une mesure de Puis, mort aussi, une mesure de mort aussi, là-dedans. Là, ouais. ouais, c'est ça, donc, Tony, on s'en parle vendredi prochain. Oui, parfait, Tony, bon Tony football. Guzzo.